Nous n'avons que le temps de préparer notre départ. Je vais aller à l'agence de voyage pour vérifier que nos places sont bien louées sur le vol 742 mardi matin. Je doute que l'employé à qui j'ai parlé ait fait tout ce que je lui ai demandé. Je l'ai entendu dire qu'il risque d'y avoir une grève des hôtesses de l'air. Il paraît qu'elles réclament une augmentation de salaire. Il est possible qu'elles se mettent en grève après-demain. D'après ce que j'ai lu dans le journal, je ne crois pas que les hôtesses de l'air réussissent à obtenir une augmentation. Valérie, elle, croit qu'elles réussiront. Heureusement, les billets sont valables sur les autres compagnies et nous pourrons, s'il le faut, voyager sur une autre ligne. À propos, il faut que j'aille à la poste voir si j'ai des lettres en poste restantes. Je prends mon passeport et j'y vais.